On va parler avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Danny. Et Marc, je veux te parler d'abord dans un premier temps. Écoute, c'est Passion NMB qui nous apprend pour, qui nous apprend ça ce matin. C'est vraiment, ils sont vraiment géniaux ces gens-là. C'est des jeunes qui sont des passionnés de baseball, qui nous apprennent qu'il y a eu... on savait qu'il y avait eu une entente entre les ligues majeures et l'Atlantic League pour un projet pilote pour explorer un peu la zone des prises informatisées. Ça a été, ça a été fait dans le cadre d'un premier match, le match d'étoiles de l'Atlantic League, ce projet pilote-là, ce qui fait en sorte que l'ordinateur informe l'arbitre au marbre de sa décision si c'est une zone, si c'est une balle ou une prise. Comment tu trouves ça, Marc? Moi, je pense que ça fait partie du baseball que l'arbitre appelle les balles et les prises. Et les erreurs, à quelque part, ça fait partie du baseball aussi. Ben oui, écoute, on disait ça il n'y a pas si longtemps, là, rappelle-toi. On disait, ah, une fausse balle, c'est une fausse balle. Faut que ça soit la décision de l'arbitre. Mm. Parce que rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, la seule reprise vidéo qu'on avait droit au baseball, c'était si c'était un circuit ou non. Ouais. T'sais, on parle pas d'il y a 10 ans, là. On parle d'il y a à peine 5-6 ans. Là. Puis là, après ça, ben on a commencé à introduire la reprise vidéo pour un petit peu plus de choses, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Pour finalement, ben arriver aujourd'hui où à peu près 95% des jeux qui sont regardés par vidéo. Ouais. La zone de prise ne fera pas exception. La technologie est là. Rappelle-toi les premières années où on... La télévision, là, que ce soit le réseau ESPN ou Fox ou peu importe, mettait le bon vieux petit carré. On n'était pas trop sûr si c'était bon, si c'était pas bon. Mais là, au fil du temps, tu as vu ça se peaufiner pour créer même une zone de prise 3D qui permet réellement de savoir si c'est une prise ou une balle. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'au baseball, on se le cachera pas. L'arbitre, les décisions, bon, parfois font que ça rend les choses intéressantes, comme on dit. Mais je te dirais que l'opinion des joueurs, c'est on veut la bonne décision. OK. C'est pour ça que je me dis, moi, que selon moi, la fameuse prise électronique, ben, ça en vient dans le baseball. OK. Puis là, c'est un premier test. Je vous dis pas que ça va être l'année prochaine ou dans deux ans. Mais on parle de trois ans. On parle de trois ans, hein? Parce que autant le frappeur que le lanceur là, veulent la vraie, tu sais, la vraie prise ou la vraie décision. Compte tenu que les réseaux de télé démontrent ça, moi, je pense que les arbitres, éventuellement, vont être aussi en faveur. Tu comprends? Parce que là, tu sais, aussitôt que la balle arrête le coin, puis l'arbitre colle une prise, ben l'arbitre paraît mal. Tu comprends? L'arbitre, il s'est encore trompé. Alors, statistiquement, ça devient lourd pour les officiels présentement. Alors, je pense que on pourra pas se cacher de ça. Le baseball va éventuellement aussi évoluer dans ce sens-là. Mais Marc, ce qu'on voulait là, de la part des joueurs avec les arbitres conventionnels, c'est que ta zone des prises qu'elle change pas, qu'elle soit régulière pendant le match. C'est ça que les joueurs se plaignaient, c'est que la zone des prises, souvent, la zone des prises en première manche, la zone des prises en cinquième manche, puis la zone des prises en neuvième manche, c'était pas la même zone des prises. Puis c'est ça que par le passé. Mais c'est un humain. Ouais, l'arbitre est humain. L'arbitre est humain, puis à un moment donné, ben ça se peut qu'il en rate un tir. Mais c'est le tir que c'est deux balles, deux prises, deux retraits, puis au lieu de dire une troisième prise, ben là, c'est une troisième balle. Ça change complètement l'allure de la manche, probablement, parce que là, le lanceur n'a plus de marge d'erreur. Puis là, soudainement, quatrième balle, la manche, elle s'ouvre. Tu comprends? Fait que, c'est pour ça que je te disais que petit à petit, là, la mentalité change. Puis même les officiels qui rappellent tout au début, disaient, ah, les reprises vidéo, on ne traite pas tant. Mais là, finalement, on s'est dit, c'est l'association des officiels. Regarde, on veut juste que la bonne décision soit rendue. Puis c'est pour ça que je pense que malheureusement, en tout cas pour les puristes, là, la zone de prise électronique s'en vient. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Marc, c'est au tennis qu'on a adopté la fameuse règle pour voir si une balle est correcte ou pas. Est en jeu ou non. Est en jeu ou non. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est l'évolution aussi, hein, quelque part. Là. Oui, puis ton exemple est bon parce que les joueurs, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que la bonne... Es-tu bonne ou est pas bonne, la balle? Es-tu à l'intérieur ou non? Nonobstant, si c'est un beau coup ou un non, on veut que ça soit une bonne décision. Et le contenu des reprises vidéo, là, tu regardes maintenant la façon dont les gars glissent au deuxième sur les vols de but. Il n'y a plus personne qui glisse les crampons en avant. Tout le monde plonge parce qu'on veut faufiler nos doigts puis éviter le contact parce que là, la reprise vidéo en ultra ralenti, en gros HD, ben là, on a vu qu'il a réussi à toucher la lanière du gant, à toucher. T'sais, on est rendu là, là. Mm-hmm. Fait que la zone de prise, ben, comme je l'ai dit, ne fera pas exception éventuellement. Puis à la limite, ça va peut-être aider, là je vais peut-être un petit peu loin, mais ça va peut-être aider au rythme du match, parce que c'est une prise, puis une balle, c'est une balle, puis à un moment donné, les gars vont s'habituer. Et là, tu vas parler de la fameuse constance que tu parlais tantôt, où là, l'arbitre, ben regarde, si tu lui appelles le tir bas, ben appelle pas le tir haut, puis là, ça va être uniforme à tous les matchs, à tout moment, peu importe le match va jouer où, on va avoir la même zone de prise. Alors, à quelque part, ça va peut-être faciliter un peu le travail, et à ce moment-là, peut-être plus de balles en jeu, plus de balles en jeu. Peut-être dire qu'on va accélérer le rythme des matchs. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas juste de mauvaises choses dans ça. Il pourrait avoir de très bons éléments d'avoir une zone de prise électronique. On a hâte de voir. Marc, deuxième point d'actualité que je veux te parler. Je te parlerai pas de Vladimir Guerrero. Tout a été dit cette semaine sur son spectacle avec Jock Peterson, 91 circuits et ainsi de suite. Moi, je veux te parler de la suite des choses parce que le concours des coups de circuit, souvent, c'est pour ça que c'est rendu de plus en plus jeune et les joueurs qui ont participé par le passé, qui gagnaient, qui donnaient une grosse performance en deuxième moitié de saison, il y avait des problèmes. Je ne cherche pas pourquoi, je le sais pas. Mais finalement, c'est arrivé. Est-ce que tu penses que ça peut, parce que c'est un spectacle incroyable que Vladimir a fait, il y a eu beaucoup d'émotions et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que ça pourrait jouer contre lui? Ben, il faut faire attention, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont effectivement des passages à vide après. Il y en a plus qui connaissent du succès que ceux qui n'en connaissent pas. Mais on met l'accent sur ceux qui ont participé. On fait une corrélation entre ceux qui participent et ceux qui connaissent une mauvaise passe par la suite. Mais tu sais, tu regardes ceux qui ont participé, les Aaron Judge, là, même les Bryce Harper, ils ont pas connu de mauvais moments par la suite. Là, ces gars-là ont continué et même certains se sont améliorés, ont connu de meilleures deuxième moitié de saison. Je suis pas certain. Je pense que c'est chacun des individus est différent. Moi, je pense pas que Vlad, ça va changer parce que c'est dans son style de se lancer avec une telle violence. Tu sais, je regarde un gars comme Bregman, peut-être que lui, il avait pas d'affaire, là. Dans le sens que Bregman, c'est un gars qui génère de la puissance par la vélocité des tirs, par la qualité de son élan. C'est pas un gars qui, entre guillemets, là, va dévisser, va sortir de ses souliers pour frapper les circuits. Vlad le fait déjà, tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je pense pas que ça va nuire tant que ça à Vladimir pour la suite des choses. En tout cas, je le souhaite pas. Mais t'as raison de mentionner que je pense qu'à l'avenir, on va faire appel à beaucoup de jeunes joueurs. On a vu à quel point physiquement c'est très exigeant. D'ailleurs, Vladimir a manqué de jus carrément à la toute fin là, pour compétitionner avec Alonso. Là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a perdu. Ben, exact. Puis là, ben moi, je suis convaincu qu'on va réétudier pour se dire, OK, moi, je pense que le temps, c'est parfait. Je pense qu'on a beaucoup amélioré la compétition avec un cadran là, de 4 minutes. Maintenant, est-ce que le gars... Parce que Vlad, là, il en a frappé 15 de plus qu'Alonso en première ronde, 20 de plus en deuxième ronde. Là, le gars, il finit avec 91 coups de circuit contre 58. Je comprends que c'est pas le total, mais est-ce qu'il pourrait y avoir... T'sais, soit un repos additionnel ou un boni de temps ou je sais pas quoi, mais t'sais, ça fait drôle de voir que le gars qui en a frappé 91, qui a pas gagné la compétition, contrairement à celui qui en a frappé 58, j'enlève rien à Alonso, il a été très bon, il a été intelligent dans sa façon de faire, mais je pense qu'il y a peut-être un moyen de trouver une solution qui pourrait permettre à un gars qui en frappe 91, peut-être avoir un petit avantage. Ben oui. Marc, aussi, je veux te parler de la convention collective. Il y a eu des propos faits durant le match des Étoiles par Tony Clark qui dit que que la convention collective va faire en sorte qu'il y a des choses qui agacent l'association des joueurs. Deux points, le marché des joueurs autonomes. Depuis 2 ans, on dit que le marché des joueurs autonomes décolle, de la misère à décoller. Et ça agace beaucoup Tony Clark. Et aussi, ça m'agace aussi le fait qu'on laisse des joueurs dans les ligues mineures plus tard pour évidemment la fameuse année d'arbitrage et l'année d'autonomie. Écoute, tu peux pas empêcher que quelqu'un, quelque part, s'il est moins intéressé à des joueurs autonomes, tu peux pas empêcher ça, là. Puis, t'en regardes Bryce Harper, t'en regardes Manny Machado, les deux joueurs autonomes les plus convoités connaissent des saisons moyennes pour leur standard. Donc, à quelque part, ça pourrait arriver, ça pourrait être une nouvelle tendance, ça. Moi, là, maintenant, un, je suis content qu'on en parle déjà, parce qu'on n'attend pas, là, tu sais, 5 mois avant la fin de la convention. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il y a des solutions. Honnêtement, les solutions sont quand même relativement simples. Puis on l'a vu au cours de la dernière année. Combien de jeunes ont signé quand même des contrats importants, là, sans dire des contrats à la Machado Harper, mais des contrats importants, et qui étaient encore admissibles soit à l'arbitrage ou encore même, ils étaient au salaire minimum. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis convaincu que les propriétaires sont prêts à enlever des clauses. C'est-à-dire que la recrue peut faire un montant minimum, j'ai pas de problème. Ouais. Mais d'avoir un Acuña junior faire 550 000 cette année, ça fait moins de sens. Fait que, ce que je veux dire, c'est qu'on est prêt, d'après moi, chez les propriétaires, à payer beaucoup de sous pour un jeune, même à sa deuxième année, beaucoup plus que 550 000. C'est quoi sa valeur après sa deuxième année? Mais l'autre point, c'est que, de toute évidence, puis on l'a vu dans le marché, c'est qu'on paye plus des gars de 30 ans et plus avec des contrats de 5, 6 puis de 7 ans. Ouais. Donc, tu comprends? On va avoir plus d'argent plus tôt, ce qui va faire l'affaire des agents, ce qui va faire l'affaire des joueurs. Et bien, il y a une génération qui va se faire avoir dans tout ça, parce qu'à un moment donné, le gars qui a 30 ans aujourd'hui, puis il pensait avoir son gros contrat, ben il l'aura peut-être pas. Mais à quelque part, moi, je pense qu'il y a des solutions qui sont relativement simples. Puis tu as raison de mentionner que la fameuse clause du temps de jeu, là, du nombre de jours en fait que tu es sur le Major League roster, comme on dit, ben ça, tu es capable de le changer. Puis l'exemple des Padres de San Diego cette année était parfait parce que on aurait pu facilement le faire avec Tatis Junior. Écoute, et c'est les vétérans qui sont allés voir l'organisation pour dire, regarde, là, on comprend là, que si Tatis, il commence pas l'année, puis qu'on attend au fin avril pour qu'il monte, puis il sauve une adoption, mais on peut-tu avoir la meilleure équipe sur le terrain? Et on a cédé. L'organisation a cédé en disant, parfait, vous avez raison, on va commencer avec Tatis Junior dans le baseball majeur. En fait, moi, je pense que c'est des éléments, honnêtement, là, qui peuvent quand même relativement bien se négocier pour que tout le monde soit satisfait et qu'on retrouve plus ce genre de marché de joueurs autonomes où il faut attendre pratiquement là, le début des camps d'entraînement avant de voir des gars qui signent des contrats importants. Et parce que Vladimir Guerrero, tout le monde sait que depuis le mois de juillet l'année passée, il aurait dû être avec les Blue Jays. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Bo Bichette. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec. Ça va être très intéressant parce que Bichette actuellement frappait pour 300. J'ai pas regardé hier ce qu'il a fait, là, mais il était vraiment sur une bonne séquence. Lui mériterait d'être rappelé également. J'ai hâte de voir si on va faire ce qu'on a fait avec Guerrero, ce qu'on a fait avec Bichette là. Ce qu'on fait avec Bichette, ce qu'on a fait avec Guerrero. Écoute, c'est sûr que tant que le règlement existe, les équipes vont peut-être l'utiliser. Parce que, écoute, moi, je sauve un an d'autonomie, je vais le faire, tu comprends? Mais selon moi, tu sais, je veux dire, c'est la prochaine convention. C'est pour ça que je suis content qu'on en négocie déjà. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas nécessairement. Là, puis, c'est normal. Je pense que, tu sais, on évolue là-dedans. Puis il faut juste s'ajuster pour que tout le monde puissent trouver leur compte là-dedans. Là. Dernier point, Marc, que je veux t'emmener sur... depuis le début, je dis que c'est une grosse pièce de théâtre, cette histoire-là. L'association des joueurs va bloquer ça. On n'a même pas de détails sur comment ça va marcher, et ainsi de suite. C'est rien qu'un projet embryonnaire. Puis déjà, l'association des joueurs, il y a des joueurs qui disent non, c'est pas vraiment une bonne idée, c'est pas l'idéal. Il y a des joueurs qui disent ça mérite d'être... d'être quand même regardé, mais Max Scherzer cette semaine a dit que non, vraiment c'est pas la solution idéale. Aussi Pedro Martinez et ainsi de suite, plusieurs se sont prononcés. Et moi j'ai l'impression que, écoute, même Robert Manfred n'avait pas de l'air enthousiaste face à cette idée-là. Non, t'as raison. Ben écoute, ben c'est sûr, n'ayant pas de détails, ça, tu sais, on se dit ça fait pas de sens. Comment ça va marcher cette affaire-là? Moi, je me demande à quel point on va mettre de l'énergie et du temps pour vraiment voir si ça peut fonctionner. T'sais, jusqu'où on va se rendre pour peut-être réaliser que ça n'a pas d'allure, cette affaire. Ouais. Et la phrase que je retiens, par contre, de Manfred au cours du week-end du match des Étoiles, c'est de dire, parce qu'à un moment donné, tu as raison de mentionner que Manfred semblait pas le plus enthousiaste dans ce sujet-là. Puis à un moment donné, il était un petit peu impatient, puis il a dit, savez-vous, il dit, s'il faut sacrifier un marché potentiel d'expansion, donc on comprend Montréal, pour vraiment aider une situation actuelle, on va le faire. Alors ça, c'est quand même assez puissant comme commentaire, parce que je me dis, là, si ça niaise trop, cette affaire-là, parce que Montréal, c'est clair qu'on voulait un marché d'expansion. T'sais, Montréal, on voulait le garder pour l'expansion. Ouais. Moi, je suis convaincu de ça. Mais compte tenu des circonstances, peut-être qu'on va dire, on va y aller d'un déménagement. Puis moi, je suis convaincu qu'en septembre, octobre, on va avoir, je dirais pas un dénouement, là, mais on va avoir certainement un aspect là-dedans qui va être avancé, c'est-à-dire soit qu'on réalise que ça fonctionne pas du tout, cette affaire-là, et que là, on va vouloir trouver une solution pour sortir les Rays, parce que, encore une fois, le maire de Saint-Pétersbourg doit donner son accord, il ne l'a pas fait, et parce que on peut pas jouer des matchs à l'extérieur de Tampa Bay s'il n'y a pas cet accord-là. Et là, Sternberg va dire, ben écoutez, nous autres, ça veut dire qu'après le bail de 2027, on s'en va. Puis on va peut-être dire, ben savez-vous quoi, allez-vous-en donc tout de suite, on va régler ça avec une entente négociée. Puis donc, ça pourrait aller très vite. Puis l'expérience de 2004 du départ des Expos m'incite aussi à dire que les choses pourraient changer rapidement si vraiment ce dossier-là avance. Mais Marc, ça fait 10 ans que ce gars-là, que Steinberg essaie d'avoir un stade avec une équipe en permanence, avec une bonne équipe. Pourquoi qu'il réussirait avec avoir deux stades avec des villes partagées, avec des équipes partagées? Ça m'assiste. Ben écoute, poser la question, honnêtement, c'est pratiquement d'y répondre, puis on irait plus loin en disant j'attire pas de monde pour 81 matchs. Qu'est-ce qui va me faire croire que je vais en attirer plus pour 40 alors que les autres 40 seront même pas joués dans ma région? Ouais. Donc c'est pour ça là que on se questionne beaucoup sur, tu sais, j'aime le côté créatif de ça là, et je comprends la réaction de Bronfman de dire ben parfait, moi regarde, si on parle de nous autres, moi j'ai pas de problème avec ça, mais en même temps je me dis Caroline, j'ai beau essayer de regarder ça dans toutes les angles possibles, je me dis ça va être vraiment dur de faire fonctionner ça. Wow. Puis comme tu as mentionné tantôt, les étapes de l'association des joueurs, du bureau du commissaire, du bureau de direction du baseball majeur, les propriétaires, en tout cas tout ça, tous ces gens-là qui doivent donner leur accord à ça. Allez gars, je trouve ça un long shot. Marc, merci beaucoup, on s'en parle bientôt. OK Dan, merci. Notre ami Marc Griffin.